Bonsoir à tous et bienvenue à cet épisode de l'Aérospatiale, l'hebdomadaire d'actualité artistique, produite et diffusée sur les ondes de CKRL 89.1. Mon nom est Christelle Tremblay et je suis en studio ce soir sur le Nyon-Wendisio, un territoire non cédé, aussi appelé Québec, avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Bonsoir Mathilde. Salut Christelle, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, super, grosse semaine pareil. Oui. On est en plein dans le groove de la vie culturelle, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. C'est exact, puis c'est pas encore fini, on va pouvoir en parler encore dans l'agenda de la semaine, mais il y a beaucoup d'événements cette fin de semaine aussi. Ben oui, avec les Journées de la culture qui s'en viennent, tout le monde est au garde à vous. On a une belle émission de préparer pour ce soir. Est-ce que tu voudrais nous en lire le menu? Évidemment. On commence en fait avec une chronique de Audrey Caro, qui fait un retour très apprécié à l'aérospatiale comme chroniqueur, et a choisi de nous parler de l'exposition My Mother is Data, qui est présentée à la bande vidéo. Et sinon, on va continuer avec Anne-Marie Homer, la directrice générale d'Engram, qui vient nous rejoindre en vidéoconférence pour parler de l'exposition Flora Résiliente. C'est Anne-Sophie, je pense que j'ai fait une faute. C'est Anne-Sophie Homer, je m'excuse. Pardon. Donc, Anne-Sophie Homer, directrice générale d'Engram, qui nous rejoint par vidéoconférence pour nous parler de l'exposition Flora Résiliente de Cynthia Dynamitchen. Et finalement, on accueille en studio Alexandre David au sujet des trois installations intitulées « D'une place à l'autre » qui sont en montre à la Galerie Critérium, la Galerie des arts visuels et à la Galerie de l'Université de Montréal. Oui, c'est toute une affaire de faire une... Ça a aussi une dimension rétrospective. Le projet d'installation, c'est commissarié par Laurent Vernet, qui est responsable de la Galerie de l'Université de Montréal. J'ai très, très hâte d'en entendre parler, là, comment ça s'est déroulé, tout le processus pour Alexandre. Pour la sélection audio de ce soir, Simon Roy, notre fidèle mélomane ici à CKRL, nous a proposé d'écouter des extraits du groupe Party Dozen, un duo de Sydney, en Australie, qui nous propose une co-création de la saxophoniste Kirsty Tickle et du percussionniste Party Dozen. C'est un projet qui est vaguement basé sur l'improvisation. On écoute des extraits de l'album Crimes in Australia, qui est paru tout récemment, le 6 septembre dernier. Bonsoir à toutes, vous êtes à l'écoute de l'aérospatiale, Christelle Tremblay au micro et je suis en bonne compagnie. Je suis jointe par Audrey Caro en studio. Bonsoir Audrey. Bonsoir Christelle. Merci de te joindre à nous dans notre équipe de chroniqueurs. Ah ben, très heureuse, je m'ennuyais beaucoup de faire des chroniques à la radio, alors me voici de retour après quelques années d'absence pour venir vous parler d'art à la radio. Ben, je suis sûre que c'est au grand bonheur de nos auditeurs, auditrices aussi. C'est pas juste nous en studio qui sommes heureuses de t'avoir avec nous. Le choix que tu as fait pour ta première chronique m'a un peu étonnée. Alors, je pensais pas que c'était ton genre de triper sur le numérique et je suis vraiment, j'ai très hâte de t'entendre. L'expo dont tu vas nous parler, My Mother is Data, c'est une expo d'Areum Lee qui est présentée à la bande vidéo du 7 septembre au 6 octobre. Ça a été verni en même temps que toutes les autres expos de la rentrée culturelle à Méduse. Moi, je te dirais que j'y suis passée rapidement. J'ai pas été accrochée. J'ai eu de la misère à trouver un point d'entrée dans cette installation-là. Et voilà, je te laisse la parole pour nous mettre ton appréciation, en fait, pour nous la partager. Eh bien, en fait, moi, c'est lors de l'ouverture, justement, de l'exposition au vernissage, aux différents vernissages à la coopérative Méduse. J'y suis passée vraiment vers la fin de la soirée et j'ai été intriguée par cette installation-là, parce qu'on va se le dire, de l'art numérique, on n'en voit pas beaucoup à Québec. Donc, déjà là, j'ai été intriguée. Puis, une question contextuelle aussi sur quelque chose sur lequel je travaille en ce moment aussi. Ah. Mais en même temps, je me disais, c'est important qu'on en parle aussi, comme on n'en a pas souvent dans notre secteur. Et moi, j'ai été captée parce que finalement, c'est un univers qui est assez immersif. C'est une installation qui nous est proposée par Areum Lee, qui est une artiste établie à Montréal depuis 2016, mais qui est originaire de la Corée du Sud. Alors, c'était intéressant parce qu'elle est multi... dans le fond, elle travaille avec les arts médiatiques, si je peux dire. Et à la fois, c'est ça, c'est dans une approche installative qu'elle nous présente, My Mother is Data, qui est composée finalement de trois œuvres qu'elle a donc cernées dans une installation qui se déploie dans ce petit espace qui est la bande vidéo, cette petite boîte noire aussi. Et dans le fond, moi, ce qui m'a du premier coup intriguée, c'est ça, c'est de voir, d'essayer de lier tous ces éléments-là. Parce qu'il y a trois dispositifs dans l'espace. Oui. Les trois sont en mouvement, semblent être dynamiques et peut-être même interactifs. Il y a des gros curseurs là, qu'on voit là, se promener sur des images, en fait, numériques. Comment tu as abordé les œuvres en place? Bien, dans le fond, c'est juste une question, comme n'importe quelle œuvre d'art, si on lui donne un peu de temps, qu'on l'observe, on va y trouver plein de choses. Puis c'est ça, c'est que ce qui a éveillé ma curiosité, c'est que finalement, bien que ces trois œuvres, elles ont un rapport ensemble, elles dialoguent aussi, parce qu'il faut dire, il y a donc, oui, l'œuvre « My Mother is Data », qui est le titre de l'exposition, qui est finalement une animation en 3D qui dure une dizaine de minutes et qui se déploie plus sur la droite. On a aussi un paysage, une forêt virtuelle finalement, qui est en face de nous quand on arrive, avec des cœurs. On est vraiment dans une esthétique très liée, oui, au numérique, que ce soit par ses références aux jeux vidéo, à l'animation 3D, par exemple, et aussi à tout ce qui est autour de l'art Internet, du numérique sur l'Internet aussi. Donc, on a cette projection-là ici qui est à la fois pas juste numérique, mais en 3D aussi, parce que les cœurs sur lesquels qui sont sur le mur, c'est des sculptures, des bas-reliefs finalement qui se détachent du mur. Il y a aussi des miroirs qui sont là, comme, je ne sais pas comment dire, comme des lacs ou des gouttes d'eau qui seraient comme au mur, mais qui reflètent aussi au sol, donc qui amènent cette projection-là en dehors du 2D, mais dans le 3D. Et sur les cœurs qui sont là, il y a du mapping, ce qu'on appelle là, communément dans le jargon du mapping. Donc, une projection qui va épouser la forme de l'architecture. Exactement, la forme de ces cœurs-là aussi. Et vers la gauche, on a plutôt des écrans qui sont là, qui nous montrent les œuvres Infinite Scroll et aussi, voyons, A Memory Palace. Donc, qui est finalement ça, une lettre. Puis ça va m'amener avant tout à parler de qu'est-ce que c'est l'installation, parce que ce titre bien intriguant, My Mother is Data, on se pose la question, c'est quoi le lien? Bien, c'est que l'artiste a une situation familiale assez singulière. Ses parents sont divorcés et elle n'a que très peu de rapports avec ses parents biologiques. Donc, et entre autres, sa mère, depuis l'âge de 10 ans, elle ne l'a jamais revue. Elle n'a pas eu d'autres contacts que numériques, que ce soit par courriel principalement et peut-être une fois un téléphone comme ça. Donc, c'est ça la prémisse de cette exposition-là, c'est sa mère. Et quand elle a immigré ici au Canada en 2016, elle a appris de quelqu'un son décès. On lui a dit « ta mère est décédée », donc elle a été chamboulée et a voulu savoir « est-ce que c'est vrai ?» ou pas, étant donné qu'elle n'avait pas cette relation de proximité avec sa mère. Donc, elle s'est lancée dans une recherche auprès des autorités coréennes pour avoir réponse, donc rentrer en contact avec le gouvernement. Et justement, l'œuvre Memory Palace, c'est ça, c'est une lettre, un courriel finalement qu'elle écrit à sa mère qui nous témoigne un peu de son parcours à trouver la réponse à « est-elle réellement morte ou pas ?» Parce que comme elle n'a pas de contact, elle n'a pas de téléphone, elle ne sait pas où elle habite, est-ce vrai ou pas? Donc, finalement, on apprend dans cette lettre-là qu'elle serait toujours vivante. Elle a aussi imploré les agents du gouvernement de donner l'adresse où pourrait être sa mère. Elle ne l'a pas, ils lui ont donné au final, sachant qu'elle n'avait pas de rapport très, très près avec elle. Mais bon, finalement, tout ça est intéressant parce que c'est une lettre, tu sais, au-delà de ça, c'est que c'est une lettre qui ne trouvera jamais sa destination. Parce qu'au bout de la vidéo, une fois la lettre écrite, elle s'envoie et tout de suite, elle a un message d'erreur et elle le dit elle-même, cette lettre va m'être retournée. Et ça lui pose tout un questionnement sur combien de temps aussi ces données-là dans l'espace numérique sont conservées. Est-ce qu'un jour, tu retrouveras accès à ton compte et tu pourras lire cette lettre-là, prends soin de toi, finalement. Donc, c'est comme tout son cheminement, ses réflexions autour de cette relation numérique qu'elle a avec sa mère, très ambiguë, et ça nous amène, finalement, aux autres œuvres qui sont là, qui témoignent d'une relation très inexistante, finalement, très énigmatique aussi pour elle. Et dans le fond aussi, tout ça est symbolisé par cette quête existentielle, finalement, est symbolisée par le papillon qu'on voit souvent revenir dans l'œuvre, qui témoigne d'une fable très populaire en Chine et en Corée aussi, le Zhang Zhu. Dans le fond, c'est un philosophe qui a fondé le taoïsme. Et bref, ce philosophe-là a eu un rêve où il était un papillon. Et par la suite, en se réveillant, il s'est questionné, étais-je un papillon qui rêvait d'être un humain ou un humain qui rêvait d'un papillon? Donc, vous comprenez tout ce rapport existentiel-là autour de ça. Et puis, elle s'est posé ces mêmes questions-là aussi, c'est ce rapport-là. Et puis, tout le dispositif, puis là, je vous le décrirai pas en long et en large, là, parce qu'il faut aller le voir, mais questionne tout ce rapport, selon moi, à la mémoire, à notre rapport, nos relations sur l'espace numérique aussi. Sont-elles de vraies relations à la fois? Il y en a qui vont dire oui, il y en a d'autres qui vont dire non. Sont-elles un rêve comme le papillon de Zhang Zhu? Exactement. Il y a tout cet enjeu entre le vrai, le faux aussi, parce qu'il y a des témoignages dans une des vidéos où on voit des gens qui parleraient d'une situation un peu similaire avec justement celle de l'artiste, où il y a une ambiguïté par rapport à une relation familiale aussi. Puis on se questionne, est-ce que ce sont de vrais témoignages? Mais est-ce nécessaire aussi qu'on sache, est-ce que ça va jouer sur notre perception, sur notre jugement de l'œuvre, si c'est vrai ou c'est faux? Et puis, tout le dispositif est dans un univers très, très onirique, très surréaliste aussi, qui vient accentuer ces questionnements-là, ces distorsions, ces tensions aussi qui sont là. Et tout, quand j'ai aussi, tout est là. Il y a une installation au centre de roche, mais on le sent que c'est construit, que c'est des papiers qui sont plaqués sur une structure, qu'il y a des fausses plantes aussi qui sont là. Il y a un petit, vous remarquerez aussi au sol, un iPhone où on parle de comment être en quelque sorte une bonne mère, quels ont été des exemples de bonne mère. Et sur ce iPhone-là, elle a placé une boule qui semble comme une boule de cristal un peu, mais qui vient distorsionner complètement le texte finalement. Donc, c'est des enjeux qui sont pour moi extrêmement important, essentiel, sur notre rapport profond, sur notre rapport au numérique, au virtuel, et en plus avec l'intelligence artificielle qui fait de plus en plus de partie de nos vies. Et qui floue de plus en plus la différence entre le vrai, le documenté, le raconté de tierces d'autres personnes, ou juste la synthèse de plein de traces laissées numériquement qui deviennent un fait réel, vérifiable, parce que l'intelligence artificielle est en mesure de le synthétiser pour nous. La nuance entre le vrai et le faux et le construit est de plus en plus fine. Exact. Puis ça montre finalement toutes les couches de complexité de notre monde d'aujourd'hui, qu'il soit autant réel, mais dans le virtuel, où là, on rajoute encore plus, on densifie l'expérience, et qu'en même temps, on espérait donc bien que ce virtuel-là nous apporte des réponses à des questions aussi simples de qui est ma mère, finalement, mais que par la numérisation, ces données-là se perdent, mais aussi deviennent floues, distorsionnées et imprécise finalement. On est encore plus dans le flou qu'on l'était auparavant. Oui. Les moyens de communication qui finalement ne simplifient pas du tout nos communications. On est plus proche de la bouteille à la mer quand on a une adresse courriel qui rebondit. On est aussi mal pris que lorsqu'il n'y avait pas de moyens de communication direct. Écoute, le titre « My mother is data » m'avait beaucoup, beaucoup attiré. La première impression que j'ai eue en visitant l'espace rapidement et avec ce titre-là, c'est qu'on était dans une itération du cyborg, en fait, de l'individu qui évolue dans un univers purement virtuel. Mais là, en consultant un petit peu plus le travail des Rumley, je me suis rendu compte que son travail sur la mémoire affective, sur la mémoire tout court, est tellement universel et fait part, et questionne en fait des pans de notre existence là, actuelle, à notre époque, très, très, très importante et qui nous touche tous en fait. Souvent, on a laissé derrière nous déjà des adresses en pans là, qui sont maintenant des portes fermées pour toujours puisqu'on a perdu les mots de passe et les accès et on ne sait pas qui essaie de nous joindre de l'autre côté de ces adresses-là. Ça peut être très inquiétant, mais aussi de très belles questions à creuser. J'ai lu que Héroum Lee avait commencé ce travail-là en 2014-2016 et qu'elle travaille depuis très longtemps à faire évoluer cette exposition-là. Il y en a eu une itération en 2022 à Clark, à Montréal. Et donc, on peut peut-être s'imaginer qu'elle va continuer à creuser ce matériau-là. Tout à fait. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, une histoire si personnelle qui devient universelle et sur des questionnements et des enjeux extrêmement profonds, ça fait la qualité d'un travail, d'une œuvre. Puis justement, c'est intéressant de voir où elle va aller. Et puis, avec ce projet-là, puis comment elle va, on l'espère, peut-être dénouer certaines interrogations qu'elle a, mais en même temps qui sont très justes. Et puis, je vous invite, justement, tu parlais du Centre Clark, mais sur YouTube, il y a une courte discussion où elle aborde davantage ce projet-là. Et puis, je vous invite sincèrement à aller l'écouter parce que ça amène quelques clés aussi de compréhension à ce projet-là qui, moi, je trouve, vaut vraiment le détour. Bien, tu m'as complètement convaincue. Je m'engage à y retourner puis à pouvoir plonger avec beaucoup de temps dans chacune des œuvres qui sont présentées. Merci beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir. On se quitte pour une courte pause audio. Au retour de la pause, on est rejointe par Anne-Sophie Homer, mais d'abord, on écoute « Wake in the Night ». Re-bienvenue, vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Christelle Tremblay au micro, je suis en studio sur la 3e avenue dans Limoilou avec Mathilde Harvey-Morin à la console. Malheureusement, Anne-Sophie Homer n'aura pas la capacité de nous rejoindre en ondes, donc je vais vous parler toute seule de l'exposition de Cynthia Dinan-Mutchell qui s'appelle « Flora résiliente » qui est en montre chez Engram. Présentement. Donc, Engram, c'est un centre d'artistes qui est dédié aux arts de l'estampe, de l'impression, sérigraphie. Et la galerie d'Engram fait figure de proue, en fait, de la coopérative Méduse. C'est la grande galerie toute vitrée sur trois côtés. Et il est très, très facile de voir l'exposition de Cynthia Dinan-Mutchell depuis la rue. Donc, même pas besoin d'attendre les heures d'ouverture des galeries pour pouvoir la contempler. Vous pouvez le faire depuis le trottoir de la Côte d'Abraham. D'ailleurs, depuis le trottoir, vous allez tout de suite remarquer que la galerie n'a pas ses murs blancs traditionnels, mais qu'il y a eu une intervention de scénographie, de mise en espace très marquée dans cette exposition-là. Il y a un mur qui est peint en vert forêt, il y a des meubles installés, donc on sent qu'il y a chez Cynthia Dinan-Mutchell un travail de la scénographie qui est récurrent. C'est pas la première fois qu'on voit une installation qui rappelle les éléments d'un décor scénique, peut-être même baroque, et qu'on s'y sent en fait invité à s'y installer ou en tout cas à inscrire dans un contexte peut-être d'art décoratif les œuvres qu'elle y présente. Parlant des œuvres, ce sont des œuvres multimédia qui sont présentées dans l'exposition. On y retrouve à la fois de la peinture et de la sérigraphie. Il y a un peu de dessin. Donc, l'exposition est conçue pour éveiller les sens et stimuler la réflexion. C'est une exposition qui propose une exploration innovante des thèmes de la botanique et de la résilience à travers une variété de médiums artistiques. Flora résiliente invite les visiteurs à une immersion profonde dans un univers où l'art et la nature se rencontrent. En transcendant les frontières entre le décor, l'espace d'exposition et l'œuvre d'art, l'exposition offre une expérience sensorielle et critique qui explore la capacité remarquable des plantes et des êtres vivants à résister et à s'adapter aux adversités environnementales. Quand on dit qu'il y a des frontières floues entre l'espace d'exposition et les œuvres d'art, une des façons de le remarquer, c'est que plusieurs œuvres, peut-être un triptyque, est installé sur une table basse recouverte de verre, comme un cabinet de curiosité, comme une table de monstration dans un salon très chic. Et ça nous permet, en fait, de nous approcher avec une vue en plongée de ces dessins-là et de voir leur relief et les traits de crayon de façon très intime, comme quand on se penche sur un objet précieux pour le contempler de plus près. Donc, le rapport aux œuvres est moins frontal. Et l'exposition permet vraiment de se laisser transporter dans ces le côté vraiment jaillissant, généreux de la flore que Cynthia Dinan-Michel choisit de représenter dans son travail pictural. Au sujet de Cynthia Dinan-Michel, elle vit et travaille à Québec. Elle explore depuis plusieurs années la sérigraphie, la céramique et la peinture. Elle est diplômée de l'Université Concordia en 2002. Elle a obtenu par la suite une maîtrise en arts visuels à l'Université Laval. Elle est lauréate de nombreuses bourses. Elle a, entre autres, reçu des prix du Conseil des arts et des lettres du Canada et du Québec, de la SODEC, la bourse Sheila Yu Mackay, les prix Videré. Elle fait partie, ses œuvres font partie des collections nationales des Beaux-Arts du Québec au MNBAC, collection de la Ville de Montréal, collection de la Ville de Longueuil et la collection de la Ville de la Caisse des Jardins. Depuis les années 2000, elle a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives au Canada et à l'international. Sa pratique, en fait, est toujours, en fait, près de la nature morte, du clair-obscur, de la ligne et du contour, de l'estampe et de l'esthétique des films japonais et western. Bon, ça fait beaucoup de descriptifs, mais ce que je veux surtout faire, c'est vous inviter à prendre quelques minutes pour observer de près ou de loin, donc depuis la rue ou depuis la galerie, cette exposition, et d'entrer en dialogue avec les œuvres de Cynthia Dinan-Michel et de peut-être même vous intéresser aux différentes techniques et pratiques qui sont accessibles depuis les ateliers de production à engrammes, si vous aussi avez envie de tenter la sérigraphie ou l'impression. On se laisse pour quelques pauses publicitaires et au retour des pauses publicitaires et musicales, on s'entretient avec Alexandre David sur son exposition rétrospective en trois volets. Bienvenue à tous, vous êtes toujours à l'écoute de l'Aérospatiale, hebdomadaire d'actualité artistique propulsé par CKRL 89.1. Christelle Tremblay au micro, je suis en studio avec Mathilde Harvey-Morin qui s'occupe de la console. Merci Mathilde. Et je suis jointe par Alexandre David. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ça fait plaisir de t'accueillir en studio. Bien, merci de m'avoir invité. Mais c'est grâce à Lisande Nadeau qui nous a mis en relation puisque tu déploies actuellement une installation en trois volets. En fait, c'est plutôt trois installations, c'est parce que c'est comme trois projets différents, là, mais ils sont connectés dans une sorte de perspective rétrospective qui a été comme pensée par le commissaire Laurent Vernet, qui est aussi le directeur de la galerie à Montréal, où je l'expose, qui est la galerie de l'Université de Montréal. Donc, elles sont réunies sous un même titre, ouais, d'une place à l'autre? D'une place à une autre. En fait, c'était l'idée que c'est comme des places un peu que je fais, mais on peut se promener, on peut aller d'un endroit à voir l'autre, puis ensuite l'autre, comme ça. Donc, on se déplace d'un lieu à un autre. Mais ça, c'est le titre général de l'ensemble. Et puis, évidemment, comme chaque projet a son propre titre, donc à la galerie de l'Université Laval, c'est les pentes. À la galerie de l'Université de Montréal, c'est l'endroit. Puis l'endroit, comme un peu dans le double sens, c'est l'idée d'un endroit envers, voilà, puis d'un endroit aussi. Ouais. Et puis, à Critérium, c'est l'avant, parce que c'est comme on voit de la vitrine, tu sais, mais même... On voit la charpente de la on vitrine? On voit la structure, mais après ça, quand on rentre, on voit les gens. Aussi, quand les gens rentrent, ils peuvent monter dans l'installation. Oui. Puis de l'extérieur, on les voit comme en couple. C'est comme si on voit une tranche, puis on les voit en haut. Oui. Ouais. C'est d'ailleurs la première chose qui m'a charmée du projet, c'est les photos de vernissage chez Critérium où on voit Maxime, entre autres, un des propriétaires, ou en tout cas des membres de Critérium, assis en haut avec les gens présents au vernissage, et l'ambiance est complètement différente que dans un vernissage. Tout le monde est assis confortablement, tout le monde a l'air de se parler dans une conversation un peu ouverte. On est ailleurs alors qu'on est dans le plafond de Critérium. Ben, en fait, je l'ai pensé comme ça. J'ai voulu faire un lieu un peu plus intime, justement parce que on est comme assis, il y a comme une sorte de petite agora, il y a comme des bancs, ça fait comme une espèce de petite enclave là, qui est cernée par des bancs qui font le tour. Puis j'ai voulu que ça soit un peu comme quand on est jeune puis qu'on a une cabane qu'on se fait là, tu sais, une cabane dans un arbre ou une cabane un peu protégée, ou même quand on n'est pas en hauteur, si on se fait une cabane en dessous d'une table avec une couverture puis des chaises, le plafond est bas, on est comme enveloppé par un lieu. J'ai voulu faire ça en le montant, vu que l'espace est très haut, en montant ça vers le plafond, en coupant l'espace en deux, ça crée une espèce de petit lieu privilégié en haut où les gens pouvaient s'asseoir, discuter, un lieu convivial finalement. Donc, j'ai voulu aussi que ça soit amené avec une sorte d'effet de surprise. Quand on rentre, on voit juste une structure, on ne sait pas ce qui se passe, mais la structure nous canalise un peu vers une sorte d'escalier. Il y a un chemin qui est induit par les madriers. Ouais, et puis là, donc nécessairement, on s'en va dans soit qu'on va dans le bureau ou soit qu'on va dans l'autre côté. Puis là, on monte. Il y a comme c'est pas vraiment un escalier, mais comme des plateformes. Puis on arrive en haut, puis c'est comme un nouveau lieu qui se déploie devant nous là. Puis privilégié est le mot, parce qu'on se sent vraiment admis dans un espace secret, un cercle, dans la gang, en fait. Il y a un sentiment d'inclusion qui fonctionne automatiquement, qui est très agréable à vivre, mais que j'ai pas retrouvé dans l'expérience de ce que tu proposes à la Galerie des arts visuels. Ouais, c'est complètement différent, ça. C'est comme vraiment un autre différent univers. La Galerie des arts visuels, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment plus comme une plateforme d'usage général, un peu comme s'il y a une plateforme pour un concert ou pour du skate ou pour n'importe quoi comme ça. Mais tu sais, on peut monter dessus, on peut s'asseoir dessus, mais c'est vraiment pas la même expérience. On n'est pas enveloppé par la plateforme. Mais par contre, la plateforme, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transforme quand même le lieu un peu de la même façon que Critérium, dans le sens où on reconnaît le lieu, mais il est complètement différent. Les colonnes sont plus présentes. Comme submergés. Ouais, ils sont prises dans cette espèce de gros bloc qui a l'air d'un espèce de pain qui a gonflé là. Donc ça, je voulais faire quelque chose qui est destiné à un usage, mais c'est moins précis que Critérium, dans le sens que chez Critérium, on sait un peu ce qu'on va faire. On rentre là, puis on va s'asseoir, on va discuter avec des gens. Alors qu'à l'Université Laval, dans la galerie, c'est plus général, il n'y a rien. C'est comme juste une grande plateforme avec deux pentes, une pente de chaque côté. Mais, tu sais, on fait ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont juste s'asseoir sur le bord. Quand on s'assoit sur le bord, nos pieds pendent un peu comme dans le vide. Ça, c'est le fun. Tu sais, ça rappelle d'être assis sur le bord d'un quai. Il y a d'autres personnes qui s'assoient dans le creux de la pente, d'autres contre les colonnes ou contre les murs. Mais j'ai porté attention aux traces de pieds qui s'accumulent sur le plywood parce qu'il est laissé nu. Ouais. Fait que nécessairement, il prend la trace des utilisateurs. Puis... ce que j'ai remarqué, c'est que les gens vont surtout contourner donc la première phase du module que l'on voit en arrivant pour accéder à là où c'est plus bas, puis utiliser cette première plateforme-là ou cet accès-là comme première marche pour accéder sur la plateforme. Mais pour se rendre là, il y a quelque chose de quand même contre-intuitif. On dirait que le couloir se resserre sur nous. Ben ça, j'ai voulu ça aussi, dans le sens où... En fait, j'ai voulu transformer la salle. Donc, pour moi, le projet, c'est pas juste la plateforme, c'est le lieu au complet. Donc, quand on arrive, quand on rentre dans la galerie, il y a un espace qui est assez large, qui nous permet d'avoir une sorte d'expérience plus contemplative, c'est-à-dire on regarde, c'est une expérience visuelle. Puis là, on arrive, il y a comme un étranglement si on veut embarquer sur la plateforme, parce que c'est comme trop haut pour embarquer. Donc, on est obligé de se diriger vers la droite. On passe dans cet étranglement-là, on passe à côté du bureau. Là, on est un peu plus coincé pour passer une personne à la fois. Puis là, ça s'ouvre encore. Puis là, on peut aller vers le milieu de la plateforme où c'est moins haut. Puis là, c'est une hauteur qui est juste entre une hauteur de marche puis une hauteur de banc. J'ai fait, tu sais, vraiment, je l'ai calculé que ça soit comme on puisse monter, mais il y a quand même un petit effort à donner. Puis là, cet espace-là aussi qui est entre le mur qui donne sur l'extérieur, qui donne sur la vitrine, et puis ma plateforme, il y a comme un espace qui reprend un peu les dimensions de l'espace initial quand on rentrait dans la galerie. Donc, j'ai essayé de configurer l'ensemble du lieu pour avoir des différents moments quand on se déplace dessus. Donc, des moments qui précèdent le fait d'embarquer sur la plateforme. Puis ensuite, quand on embarque sur la plateforme, on est quand même dans le plafond. Là, j'ai tout changé l'éclairage, j'ai mis des néons, j'ai tout enlevé l'éclairage pour que l'expérience de la hauteur soit aussi significative. Puis que quand on est sur la plateforme, qu'on regarde les gens qui sont pas sur la plateforme plus bas, que ça soit, fasse aussi partie de l'expérience. Parce que pour moi, il n'y a pas grand-chose dans mes projets. Là. C'est très, tu sais, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de stratification polysémique de signification. C'est juste une sorte d'expérience phénoménale et aussi une expérience d'usage. Les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. Puis, en même temps, quand ils se déplacent dans une installation comme celle-là, ils prennent conscience un peu de leur relation aux autres. Parce que les autres sont soit plus bas, plus haut, à côté. Même si on est juste à côté de quelqu'un, qu'on est dans la pente, là, ça change totalement la dynamique de conversation. Oui. Là, on est, tout d'un coup, on parle à quelqu'un, puis la personne qui était plus petite que nous est plus grande. Là. Ça, tu sais, il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Puis là, si on parle en se déplaçant, ça se change continuellement. Fait que c'est un peu des choses très simples comme ça que je vise avec mon travail. T'sais. Mettons que je te pose quelques questions sur la simplicité. Pour moi, elle est dans le rendu, mais elle n'est certainement pas dans la réalisation parce que bon, il y a de la symétrie, mais qui a été tronquée. Les morceaux de plaie ont été assemblés de façon très, très précise. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de dépassement. Donc, il y a un grand soin qui est fait pour finalement arriver à quelque chose qui a l'air simple. Oui, bien ça aussi, c'est, en fait, je veux pas qu'on porte attention à ces choses-là d'une certaine manière. C'est en faisant, en construisant l'œuvre de façon à ce que ça soit très précis, ce que ça fait, c'est qu'on porte pas trop attention à comment c'est construit. Ça a l'air d'être justement d'être tombé en place comme très naturellement, si on veut. Donc, finalement, on ne s'attarde pas tellement à cet aspect-là, puis on peut plus se l'approprier puis en faire usage rapidement. C'est pas comme, je veux pas que l'œuvre soit comme la trace de mon travail. Je veux que ça a l'air de, comme si ça avait été fait tout seul, d'une certaine manière. Si on l'avait acheté puis dans un kit, puis ouais, c'est ça. Puis moi, ça. Je disparais un peu, là. Donc, c'est pas comme une œuvre expressive où on voit le labeur, le travail, tout ça. Tout ça, c'est comme s'estompe devant la possibilité d'usage. En tout cas, c'est comme ça que je le pense, là, ce projet-là, puis les autres aussi en général que je fais. Donc, l'autre affaire, c'est que la quantité de travail qui est mise, elle devient invisible, mais en même temps, on comprend qu'il y a eu un travail, on comprend que l'œuvre peut être défaite aussi rapidement qu'elle a été assemblée. Puis ça, c'est important aussi. J'aime ça que finalement, même si c'est un objet dans l'espace puis que c'est très comme spatial, que ça fonctionne aussi comme une tranche de temps. C'est comme un moment. C'est comme si dans la vie, il y a toutes sortes d'événements, toutes sortes de choses. Puis là, il y a comme un moment d'arrêt. Quelque chose se construit dans un lieu ou un moment de ralentissement. Quelque chose existe dans un lieu. On en fait un usage. C'est comme un événement davantage qu'un lieu, finalement. C'est comme une tranche de temps. Puis là, après ça, on comprend que ça va disparaître parce qu'on voit les vis, on voit que ça peut être défait, puis que tous les matériaux vont servir à d'autres choses, dans d'autres projets. Là. Tu sais, moi, je jette rien. Là. Il y a comme même le brandy que je sable, là, je le récupère dans pour faire du poty avec la colle. Il n'y a pas une seule chose qui est jetée. Là, tu sais. Fait que, c'est très jouissif d'apprendre aussi, en tout cas, tout un engagement. C'est une vie d'artiste qui nécessite beaucoup de place d'entreposage puis ouais. de gestion de matériel. Oui, mais ça, oui et non, dans le sens que c'est sûr que je dois entreposer des matériaux quand je réutilise les matériaux pour moi-même. Mais si je fais quelque chose dans un autre pays ou dans une autre ville, ben là, évidemment, je m'organise pour que tous les matériaux soient distribués à des organismes ou à des individus ou des écoles ou différentes choses qui vont pour que d'autres personnes puissent en faire usage, parce que sinon le transport devient contre-productif. Tu sais. Ouais. J'ai une question par rapport aux références que tu utilises, parce que lorsque tu mentionnais que la hauteur de la marche avait été réfléchie en fonction de deux références différentes. Enfin, il y en avait trois, que je t'ai pas dit la troisième. Je vais te dire tantôt, continue ta question. Je me demandais si c'est plus en ligne sur les théories développées par le Baas là, pour avoir les usages les plus optimaux là, dans une chaise, la distance entre un évier puis le reste du comptoir, les pattes de les hauteurs de enfin toutes ces recherches là poussées qui ont été faites par l'école du Baas et qui ont été poursuivies après par toutes sortes de designers industriels, ou si t'es plus dans des références de code de la construction là, donc un usage très architectural. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que je pars de normes, puis je regarde notre société, il y a toutes sortes de normes, puis je n'essaie pas de travailler contre les normes. Je ne suis pas dans un travail de révolution, d'essayer de regard critique sur les normes. Je travaille avec ce qu'on a, des choses qui nous habitent, puis là, je les transforme juste assez pour qu'ils puissent combiner différents usages. Donc, c'est peut-être plus proche. En fait, ça chevauche, je me sers à la fois des normes de construction, puis des normes qui ont été développées par des designers puis des architectes à travers l'histoire, qu'on a intégrées. Là, je travaille avec ça, puis si je veux faire quelque chose qui concilie deux normes, je fais des espèces de moyennes comme ça. Mais l'idée, c'est de faire des choses où intuitivement, on sait qu'on peut en faire usage. On ne sait pas exactement ce qu'on peut faire avec, mais on voit quelque chose, on sait qu'on peut s'asseoir dessus, on sait qu'on peut monter dessus. Donc, des choses très simples comme ça. À partir de là, l'usage reste indéterminé pour tout le reste. Chacun et chacune peut faire ce qu'il ou elle veut là, avec. Mais peut s'asseoir, prendre un café, lire un livre, n'importe quoi, avoir une conversation, faire une performance, ça m'est égal. Juste pour revenir à une dernière chose sur ce que je disais sur les trois affaires, oui, plutôt que deux, c'est que quand j'ai déterminé la hauteur de la plateforme en fonction de la possibilité de monter dessus, de s'asseoir dessus, mais aussi pour avoir une pente qui arrive à une certaine hauteur où on peut placer nos mains sur le rebord quand on rentre, juste comme quand on arrive, on peut placer nos mains sur une table ou une clôture, qu'on sente que c'est un espèce de lieu, on peut tout de suite se l'approprier, on voit au-dessus, on met nos mains sur le bord. Puis pour ça, il fallait que je calcule avec cette hauteur-là, le degré de la pente que je voulais, l'endroit où on peut s'asseoir et l'endroit où on peut grimper. Il fallait que toutes ces choses-là concordent. J'ai fait une sorte de moyenne de ces trois choses-là. Et c'est vraiment la fonction choisie, la fonction étant de favoriser l'usage, qui va déterminer la forme. Absolument, parce que moi, mon travail, ça ne veut rien dire sans usage. Oui, il y a une dimension où c'est juste une sorte d'expérience phénoménale d'un gros objet, mais après ça, il y a aussi toute une dimension d'usage qui est vraiment fondamentale pour moi. Puis moi, j'ai toujours aimé l'usage comme une chose qui nous permet de, disons, ne pas se poser la question du sens. C'est pas que ça invalide le besoin de chercher un sens ou une signification. C'est quand on s'assoit sur une chaise, ça fonctionne. On n'a pas besoin de se dire c'est quoi le sens du fait que je peux m'asseoir sur une chaise, c'est quoi le sens de la chaise. On ne se pose pas cette question-là. Fait que moi, j'aime ça travailler avec cette chose-là qui est très normale dans le design et dans l'architecture, mais j'aime ça en art aussi, avoir quelque chose où l'usage permettre de contourner différentes questions qui sont lourdes des fois. T'sais. Pour les quelques minutes qui nous restent, on va surfer rapidement sur la question de la rétrospective. Donc, dans chacun des espaces, il y a un élément qui nous piste vers un des aspects de ta démarche artistique qui perdure ou une trace. Oui, bien en fait, disons que le commissaire, Laurent Vernet, ce qu'il voulait, c'est que dans chaque lieu, on puisse voir un aspect justement qui de ma pratique en général. Puis à l'Université de Montréal, il y a comme une plateforme qui est bombée, qui occupe tout l'espace, mais de mur à mur, puis qu'il y a une sorte de surface bombée courbe, que comme j'ai utilisé souvent dans d'autres projets. À Critérium, il y a une construction, on voit plus la charpente, on voit plus la structure. C'est aussi récurrent dans plein de mes projets. Puis à l'Université Laval, c'est plus juste l'idée d'une plateforme que j'ai aussi utilisée dans plein de projets. Mais tout ça est parti juste d'une discussion que j'ai eue avec le commissaire parce que je lui racontais qu'on m'avait souvent dit que c'était impossible de faire une rétrospective de mon travail parce que tous les matériaux sont réutilisés. T'sais, j'en fais un usage juste temporaire. C'est comme un usage transitoire de matériaux, puis après ça, ça s'en va dans d'autres usages. Puis, tu sais, ce que tu vois pas, c'est que dans les structures, il y a plein de parties de d'autres œuvres avant, là. Puis il m'a dit, on dirait que ça l'a allumé, puis il a dit, ben, on va essayer de faire ça, vu que c'est pas possible, tu sais, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc, il m'a proposé ça, puis de fil en aiguille, on est arrivé à... Puis il a parsemé des traces de dessin, des concepts... Oui, ça, les trois expos, il y a comme des indices de choses qui rejoignent ma pratique en général. Moi, je suis plus intéressé par les projets que je fais, là, mais lui, en tant qu'historien de l'art puis commissaire, il est intéressé par cette dimension-là. Donc, j'ai suivi un peu ça, oui, comment il voulait faire ça. C'est le jeu du commissariat, on s'y prête ou pas. Pour terminer, on mentionne que il y a des activités de prévues, notamment... une rencontre publique entre toi et le commissaire prévue le jeudi 17 octobre à la Galerie des Arts Visuels. Oui, on va le faire directement sur la plateforme. De l'Université Laval. Donc, tout le monde peut vous rejoindre sur la plateforme, ouais, et la remplir de monde. C'est ça, oui. Quelle joie. Donc, on s'y retrouve. Sinon, les expos sont ouvertes dans les heures d'ouverture traditionnelles de galerie. Elles ont trois horaires différents. À l'UDM, à Montréal, c'est du 3 septembre au 16 novembre. À Critérium, du 10 septembre au 29 septembre. Oui, ça se poursuit jusqu'au 20 octobre, finalement, à peu près. Là. Ah bon? Ben, parce qu'il va y avoir... Ben, en fait, c'est pas clair, là, mais ça se poursuit, en tout cas. Ils veulent pas la démonter tout de suite. Ben, tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'ils ont adopté la structure. Et à l'Université Laval, c'est aussi jusqu'au 20 octobre. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour l'entrevue, Alexandre David. Ben, merci à toi. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Merci. On fait une courte pause musicale et après, c'est l'agenda culturel de la semaine. Rebienvenue à l'aérospatiale, c'est l'heure de l'agenda culturel de la semaine. On commence avec jeudi 26 septembre dès 17h. On nous invite au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval pour le vernissage de l'exposition « L'existence solitaire m'empêche de m'oublier » qui présente le travail solo de Solène Omera. Le travail artistique de Solène porte un regard sur la cohabitation interespèce, notamment sur celle qui existe entre les humains et les plantes. Elle tente de représenter sa vision de la flore et des relations mutuelles qui en découlent avec des œuvres qui prennent la forme d'installations, de photographies, de livres d'artistes et de vidéos expérimentale. Ensuite, c'est le grand retour de la fête foraine que nous attendions tous et toutes apparemment. Pour le lancement de cet événement d'envergure, les artistes commissaires Eve Cadieux et Vincent Roy ainsi que l'équipe d'Ex-Muro nous invitent au vernissage du Manorium ce vendredi 27 septembre de 17h à 21h à la place de Paris. Au programme dévoilement des œuvres en présence de certains artistes, c'est un accès gratuit aux attractions pour cette soirée spéciale, friandises et ambiance festive. On nous y attend en grand nombre. Je pense qu'on va y être aussi en grand nombre pour un petit tour de manège sympathique. Enfin, c'est les Journées de la culture. En fin de semaine, il y a plein d'affaires à faire en ville. On en a choisi deux pour le plaisir de vous les souligner. Samedi le 28 septembre à partir de 10h, dans le cadre des Journées de la culture, l'AEMAV, l'Association des étudiantes et des étudiants à la maîtrise en arts visuels, nous invite à prendre part à l'ouverture des portes des ateliers du roulement à billes, le repère des artistes à la maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. L'activité est gratuite et a pour but de créer des rencontres entre le public et les artistes, ainsi que leurs pratiques singulières. Le RAB, le roulement à billes, comporte plus d'une vingtaine d'ateliers à découvrir et plusieurs artistes seront sur place pour échanger avec nous. Enfin, le 28 septembre prochain, donc toujours samedi, toujours dans le cadre des Journées de la culture 2024, à l'Est de vos empires et le Pieux nous invite à la Charpente des Fauves pour une visite guidée de l'atelier d'impression autonome du Pieux, suivie d'une visite commentée de l'exposition marginale. Dès 10h, rejoignez les membres du Pieux pour visiter leur atelier et discuter. Vous pourrez en apprendre davantage sur les fanzines, les techniques d'auto-édition alternative, la genèse du projet et la mission communautaire du Pieux. De midi à 13h30, il sera possible d'assister et de participer en formule table ronde d'une heure à l'enregistrement d'un balado sur le livre d'artiste. Vous pourrez échanger avec des spécialistes autour du sujet. La journée se terminera par une période de questions avec les invités. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Aérospatial, l'hebdomadaire d'actualité artistique produite et diffusée par Mathilde Harvey-Morin et moi-même, Christelle Tremblay, sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion à partir de vos plateformes d'écoute préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou SoundCloud. Vous pouvez suivre le fil de nos balados sur Facebook et Instagram. Un grand merci à nos invités, Audrey Caro, Anne-Sophie Omer, qui n'a pas pu être des nôtres, mais qu'on aurait aimé accueillir, et finalement, Alexandre Daville. Merci à notre mélomane, Simon Roy. On se laisse sur une dernière pièce et on se retrouve la semaine prochaine.